C'est une chanson sur les banquiers, ça. Avec un son clean, un petit peu de disto, mais un son à la Mark Knopfler, ça va très bien. Bientôt vous serez riche, non vous n'y êtes pas du tout. Pas besoin de braquer une banque ni un bureau de poste. Avec moi c'est plus simple, je vais faire du porte-à-port sans avoir à bouger tout en venant vers vous. J'ai un truc imparable car si vous m'écoutez, je vais faire fructifier toutes vos économies. Il vous suffit pour ça de toutes me les confier. Je travaille à la banque, je suis trader commandé. Je puis vous garantir des revenus confortables, mais pour ça il vous faut me donner carte blanche, me laisser en disposer, tout mettre sur la table et pas vous affoler si la bourse calanche. J'ai l'aval des grands pontes pour tenter l'impossible, mais vous ne devez pas savoir comment je fais. Je connais tous les marchés, pour vous inaccessibles. Je suis un professionnel, un trader s'il vous plaît. Envoyez la monnaie, faites circuler l'oseille. L'artiche, le fric, le flouze, faut le faire fructifier. Avec votre banquier, la seule sera plus pareille. Plus de soucis à vous faire, tout va être réglé. Avec moi, pas de soucis, c'est toujours tout bénef. Et si sur votre compte, les virements tardent à venir, c'est que la conjoncture ne produit pas bézef. Attendez quelque temps avant d'intervenir. Surtout pas de panique, je maîtrise, je suis un pro. Sûr que demain j'aurai dégoté le jackpot. Vous en aurez votre part, vous trouvez pas ça beau? Et puis je suis votre banquier, un ami presque un pote. Envoyez la monnaie, faites circuler l'oseille. L'artiche, le fric, le flouze, faut le faire fructifier. Avec votre banquier, là, ce sera plus pareil. Plus de soucis à vous faire, tout va être réglé. Et quelques jours après... Allô, ici la banque. Monsieur, je vous appelle. C'est qu'il y a un souci sur votre compte ce matin. Vos actions mises en bourse ont disparu soudain. Et vos traites impayées sont là qui s'amoncellent. Faudrait passer nous voir pour renflouer votre compte. Vous êtes à découvert et je ne peux rien pour vous. Vous dites, monsieur machin, disait que vos actions montent. Il y a 2 jours, c'était vrai. Mais il n'est plus chez nous. Envoyez la monnaie, faites circuler l'oseille. L'artiche, le fric, le flouze, faut le faire fructifier. Avec votre banquier, là, ce sera plus pareil. Plus de soucis à vous faire, tout va être réglé. Désolé, cher monsieur, je ne suis pas responsable. L'argent que vous aviez, mais monsieur, c'est perdu. Je ne sais que vous dire, voyez votre comptable. Nous sommes ici une banque, c'est un malentendu. Vous dites que nous avions un trader parmi nous. Ça, monsieur, j'en sais rien, c'est vous qui me le dites. Mais passez donc nous voir, on peut vous faire un prêt. Je bloque vos échéances jusqu'à ce qu'on vous crédite. Envoyez la monnaie, faites circuler l'oseille. L'artiche, le fric, le flouze, faut le faire fructifier. Avec votre banquier, là, ce sera plus pareil. Plus de soucis à vous faire, tout va être réglé. Tout va être réglé.